نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله جل وعلا واعلموا أن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المؤمنون موضوع الخطبة أسباب الكسل عن الطاعات وعن العبادات أقول إن العبادة هي الصلة بين العبد وربه فمتى تقاصر الإنسان أو تكاسل عنها فإن العلاقة يوشك أن تنقطع والخاسر أولا وأخيرا هو العبد للرب جل وعلا ولذلك كان على المسلم اللبيب أن يسأل نفسه وأن يحاسبها دائما وأبدا ما سبب تقصيره عن الطاعات والأعمال الصالحات التي تقربه إلى رب الأرض والسماوات تتجلى أهمية هذا الموضوع في نقاط أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر والكسل كما قال الإمام النووي رحمه الله هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه ثانيا أن التكاسل عن الطاعات والعبادات الصالحة من صفات المنافقين ولذلك أخبرنا الله جل وعلا عنهم في كتابه فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ثالثا أن ذلك ينافي المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات التي أمرنا الله بها وحثنا عليها قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رابعا انتشار هذه الصفة يعني الكسل بين كثير من المسلمين Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Le sujet de ce discours, les causes de la paresse à accomplir les adorations et les obéissances. Sachez que l'adoration est le lien entre le serviteur et son seigneur, toutes sortes d'adorations. Donc si l'homme la néglige et la délaisse, il se peut que le lien avec Allah se brise. Et le seul et unique perdant, si le lien entre le serviteur et Allah se brise, c'est le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala ne perd rien, subhanahu wa ta'ala adharik. C'est pour cela que le musulman sensé doit toujours demander des comptes à son âme et qu'il fasse en sorte que le lien entre lui et son créateur soit toujours solide. Il essaye de savoir quelle est la cause de cette paresse et quelle est la cause de cette négligence à accomplir les adorations nous rapprochant d'Allah. C'est un sujet très très important. Et l'importance de ce sujet apparaît de plusieurs points. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait souvent à Allah de le protéger contre la paresse. L'imam al-Bukhari, dans son recueil al-Sahih, rapporte selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent « Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa min al-jubd wal-haram wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min fitnati al-qabr » C'est-à-dire, ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité et la paresse, la lâcheté et la vieillesse, et je cherche protection auprès de toi contre les épreuves de la vie et de la mort, et je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe. La paresse, qu'on appelle en arabe al-kasal, c'est lorsque l'âme n'accomplit pas le bien et ne le désire pas alors qu'il est à sa portée. La deuxième cause, donc, qui nous montre l'importance de ce sujet, le fait que d'être paresseux à accomplir les adorations est une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites. Donc l'hypocrite, al-munafiq, en arabe, wallazi yuzhiru al-iman wa yubtinu al-kufr, qui montre aux gens qu'il est musulman, qu'il est croyant, et à l'intérieur, il est mécréant. Allah nous dit, dans le Coran, en nous décrivant les hypocrites, ils ne se rendent à la salat que paresseusement et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Et il dit dans un autre verset, et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, appellent, invoquent-ils Allah. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les prières les plus lourdes à accomplir aux yeux des hypocrites sont la prière de l'Isha et du Fajr. S'ils connaissaient leur valeur, ils se rendraient à la mosquée pour les accomplir, serait-ce en rampant. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Troisièmement, la paresse à accomplir les adorations est en contradiction avec l'ordre d'Allah qui nous incite à accourir vers le paradis et de se concurrencer les uns les autres pour cela. Allah nous dit dans le Coran, et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et il dit dans un autre verset que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Et quatrièmement, pourquoi parler de ce sujet? Le fait que la paresse à accomplir les adorations est très répandue chez de nombreux musulmans. Ma'ashir al-muslimin, ma asbab al-kasal, ما الأمور التي يصبح المسلم بسببها متكاسلا عن العبادات؟ أولا التلوث بالمعصية، فأول سبب من أسباب الكسل عن الطاعات والأعمال الصالحات التلوث بالمعصية. فإذا تلوث المسلم بالمعصية وخاصة الصغائر تلك التي يستهين بها كثير من المسلمين ولا يلقون لها بالا ولا يعطونها رعاية ولا أهمية، إنها من أسباب الفتور والكسل والتهاون في الطاعات والعبادات. فإذا تكاسل الإنسان يأتي العقاب، وما هو العقاب من الله جل وعلا؟ العقاب أن الله تبارك وتعالى لا يذيقه حلاوة الإيمان ولا يعطيه حلاوة الطاعات، وهذا من العقاب أن يحرم الإنسان الطاعات وأن يحرم التوفيق إلى العبادات التي هي السبب في السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول في آية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر المعاصي وأن يحذر الصغائر، لأن كثيرا من المسلمين يتساهلون بها. ولذلك نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال مبلغا ومنذرا ومحذرا إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، رواه أحمد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي ناس من التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Chers musulmans, quelles sont les causes de la paresse? Quelles sont les causes qui font que le musulman est paresseux et néglige les adorations? Premièrement, les péchés. Si le musulman est souillé par les péchés, plus particulièrement les petits péchés, car les gens ont tendance à les minimiser et les gens pensent qu'ils sont sans importance. Lorsqu'on leur dit ceci est interdit, ils nous disent c'est un péché, ce n'est pas un grand péché, c'est un petit péché. Et les gens pensent donc qu'ils sont sans importance et ils ont tendance à les minimiser. Les péchés, chers frères et sœurs, sont une des causes qui amènent vers la paresse vis-à-vis des adorations. Et lorsque le musulman néglige les adorations, il est alors puni par Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas avant l'au-delà. Mais quelle est cette punition ici-bas? Allah ne lui fait pas ressentir la saveur de l'adoration. Halawat al-iman, halawat al-ibada. Également, Allah le prive de l'adoration et il le prive de son aide dans l'obéissance. Car toute obéissance que l'on accomplit, c'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup, beaucoup. Et il dit dans un autre verset, si les habitants des cités avaient cru et avaient obéi, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Et parmi les bénédictions, l'aide à accomplir les adorations, mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. C'est pour cela que le musulman sensé doit prendre garde des péchés, qu'il prenne garde des grands et des petits péchés, car la majorité des gens ont tendance à les négliger. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met les musulmans en garde en leur disant « Prenez garde aux péchés minimisés, car ils se réunissent tous chez un seul homme et le font périr. » Car un petit péché, plus un autre petit péché, plus un troisième, plus des centaines, ça fait périr l'homme ici-bas et dans l'au-delà, iyad al-billah. Anas ibn Malik, radiallahu an, le célèbre compagnon nous dit, vous accomplissez des œuvres qui sont à vos yeux plus fins qu'un cheveu. Les gens pensent que ce péché est plus fin qu'un cheveu. Il n'a aucune importance dans la balance. Anas nous dit, alors que nous les compagnons, nous considérions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce genre d'actes tels des péchés capitaux. Ayyuhal mu'minun. Yaqulu ad-Dahhak ibn Muzahim, ahad as-salaf rahimahullah, ma na'lamu ahadan hafidha al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bidhan thumma qara'a qawla Allah tabaraka wa ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir thumma yaqulu ad-Dahhak wa ayy musibatin من نسيان القرآن. ويقول الإمام الثوري رحمه الله سفيان الإمام المحدث يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. أيها الإخوة الكرام استمعوا، حرم قيام الليل بذنب واحد مدة 5 أشهر، ليس بذنوب في الصباح والمساء وليس بالذنوب في الصيف والشتاء، بذنب واحد. يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل له وما ذاك الذنب؟ قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. حرم قيام الليل 5 أشهر بذلك الذنب، كيف بالذين يقعون بالذنوب بل بالكبائر الذين يتكلمون بالكلمات الكثيرة بالأعراض والنيات؟ أين الذين يتكلمون في الساعات الطوال بالغيبة والنميمة والمنكرات؟ والله المستعان. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما يقع لها صداع الرأس فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي بذنبي وما يغفره الله أكثر. نعم أيها الإخوة الكرام، احذروا من الذنوب والمعاصي فإن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. شاب ويا الضحاك بن مزاحم، un pieux prédécesseur qui est décédé en l'an 105, il nous dit « Toute personne qui mémorise le Coran puis l'oublie, cela est dû à un péché. » Et il récita ensuite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. » Et il dit ensuite « Et quel plus grand malheur y a-t-il que le fait d'avoir Pendant 5 mois, il n'a pas pu faire la prière nocturne à cause d'un péché qu'il avait commis. Un seul péché, Allah Azza wa Jal lui a empêché, l'a privé donc de la prière nocturne. Donc un seul péché, ce n'est pas des milliers de péchés comme nous autres. Ce n'est pas des péchés toute la journée, des péchés à toutes les saisons. Non, un seul péché, à cause de cela, il a été privé de la prière nocturne pendant 5 mois. On lui demanda ensuite, quel était ce péché ? Il dit, j'ai vu un homme pleurer et je me suis dit en moi-même, il fait cela par ostentation. Donc c'est la seule chose qu'il a fait, et à cause de cela, Allah Azza wa Jalla l'a privé de la prière nocturne pendant 5 mois. Donc que penser de ceux qui commettent des grands péchés ? Ceux qui parlent continuellement sur les gens, même pas en leur fort intérieur, à leurs yeux et devant à leurs oreilles et devant leurs yeux. Ils parlent donc sur les gens, sur leurs intentions, et ceux qui passent des heures entières à méditer et à colporter des paroles. Asma bint Abi Bakr radiallahu anhuma, parfois elle était prise d'un mal de tête et elle posait sa main sur sa tête et disait, c'est à cause de mes péchés, c'est à cause de mes péchés, mais ce qu'Allah pardonne est plus grand. Donc chers frères et sœurs, prenez garde des péchés, car leurs dégâts pour le cœur sont semblables à ceux du poison pour le corps. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء. أما بعد، عباد الله، السبب الثاني للكسل عن العبادات والطاعات الغفلة عن أهمية العبادة. السبب الثاني من أسباب التكاسل عن الطاعات والعبادات غفلة هذا الإنسان عن أهمية العبادة. إن من غفل عن أنه بحوله وقوته ضعيف وأنه بحول الله وقوته قوي كيف يحافظ وكيف يحشط الطاعات والعبادات؟ لا بد للمسلم أن يعرف ويعلم أن هذه العبادات والأعمال الصالحات هي سبب رئيسي في تأييد الله جل وعلا ونصرته. ولذلك يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي عند البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري. نعم، إن النوافل كما سمعتم من أسباب محبة الله جل وعلا، فكيف يريد الإنسان محبة الله عز وجل وهو يقصر ويتكاسل عن الفرائض؟ بل إن المواظبة على الطاعات والأعمال الصالحات سبب لسكينة النفس وطمأنينة القلب. يقول الله جل وعلا والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادات ويكثر من الطاعات، يصلي من الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، ويصوم الاثنين والخميس، ويتصدق بماله، ويصلي الضحى، ويقوم الليل صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن هذه العبادات سبب لمحبة الله جل وعلا وسبب لتأييده ونصرته جل وعلا. بل إن العمل الصالح والمواظبة عليه سبب للنجاة من الفتن. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه مسلم. ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. إذن أيها الإخوة الكرام لا بد أن نعلم حين نحافظ على الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات أن هذه الطاعات هي سبب تأييد الله وسبب نصرة الله تبارك وتعالى لنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. Deuxièmement, quelle est la cause qui emmène à être paresseux et à négliger les adorations? Deuxièmement, donc le fait d'ignorer l'importance des adorations. Le musulman, pourquoi il délaisse ses adorations et pourquoi il est paresseux à les accomplir? Car il ne sait pas le bienfait qu'il y a dans ses adorations pour lui. Donc il faut que le musulman sache que ses adorations, ses obéissances, ses bonnes œuvres sont la cause principale apportant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son secours. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Et Allah dit dans le hadith divin, le hadith al-Qudsi: celui qui montre de l'hostilité envers un de mes alliés, al-Wali, je lui déclare alors la guerre. Mon serviteur ne se rapproche guère de moi par quelque chose qui m'est plus agréable que l'accomplissement des obligations. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Et s'il m'invoque, je l'exaucerai certainement, et s'il cherche refuge auprès de moi, assurément je lui accorderai. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, comme vous avez pu l'entendre, les œuvres obligatoires comme les surérogatoires sont causes apportant l'amour d'Allah. Allah, il aime le serviteur lorsqu'il accomplit les œuvres donc qui lui est ordonnée. Donc, comment l'homme peut espérer être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il n'accomplit même pas les choses obligatoires? Et les adorations, chers musulmans, sont également cause de tranquillité du cœur et quiétude de l'âme. Allah dit dans le Coran: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas là par l'évocation de Allah que se tranquillisent les cœurs? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup d'adorations. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Il jeûnait le lundi et le jeudi. Il faisait beaucoup de dons. Il faisait l'umrah. Tout cela parce qu'il savait sallallahu alayhi wa sallam que cela était cause de secours d'Allah et donc de son aide subhanahu wa ta'ala. L'adoration est même une cause de secours au moment des dissensions et des séditions, comme à notre époque, qui est un moment où il y a énormément d'épreuves pour les musulmans. Umm Salama, radiallahu anha, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé une nuit et s'écria: subhanallah, que de troubles Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, et que de trésors il fera descendre. Qui réveillera celle qui occupe ses chambres? Donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il dit: combien de femmes bien vêtues en ce monde seront nues dans l'au-delà? Et il dit également: empressez-vous d'accomplir des bonnes œuvres pieuses, car il y aura des troubles aussi noirs qu'une nuit très sombre où l'homme se réveillera croyant et se retrouvera le soir mécréant, et le soir il est croyant et il se réveillera mécréant. Il fera un troc de sa religion contre les biens du bas monde. Comme à notre époque, il y a beaucoup de musulmans qui sont capables de délaisser les obligations religieuses pour un peu d'argent. On lui dit: vend de l'alcool, il la vend, malgré que ce soit interdit. On lui dit: travaille dans tel travail, tu ne peux pas prier aucune prière, il se rend dans ce travail alors que cela est interdit. Donc il fait le troc de sa religion contre les biens de ce bas monde. Donc chers frères et sœurs, lorsque nous accomplissons une adoration pour Allah, il faut que nous sachions qu'Allah nous vient en aide, nous secourt grâce à cette adoration, et tout secours ici-bas, donc aura lieu ici-bas et dans l'au-delà, dans la tombe et dans l'au-delà. السبب الثالث والأخير وهناك أسباب أخرى ولكن لضيق الوقت سنكتفي بهذه الثلاث. نسيان الموت من أسباب التقصير والتكاسل عن الطاعات والعبادات، نسيان الموت وما بعده من الأحوال. إن من نسي أنه ميت لا محالة إنه لا بد أن يقع منه التفريط وأن يقع منه التقصير. لذلك على المسلم أن يتذكر هادم اللذات وأن يتذكر مفرق الجماعات ويتم البنين والبنات. يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال في آية أخرى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والآيات كثيرة تبين أن الموت مدرك للإنسان لا محالة. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. رواه الإمام البخاري. نعم أخي المسلم، هل تتوقع أن من نسي أنه ميت وأنه سوف يوضع تحت التراب وأنه يهان عليه التراب وأنه سوف يوضع بين الأكفان وأنه سوف يبكي عليه الصغار والكبار وأنه سوف يتحسر على فوات الأعمال والأعمار؟ هل تتوقع أنه من نسي كل ذلك كله أنه ينشط في العبادات والأعمال الصالحات ولا يفتر ولا يكسل؟ كلا، إنه يصيبه الكسل والتقصير في العبادات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزروها فإنها تذكركم الآخرة. رواه الإمام الترمذي. قال العلماء: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وبقناعة القلب وبنشاط العبادة. Troisièmement, la chose qui amène à la paresse et à la négligence des obligations et des adorations, donc il y a d'autres causes, mais on va en citer que trois: l'oubli de la mort. Parmi les causes provoquant la paresse, l'oubli de la mort. Celui qui oublie qu'il va obligatoirement mourir, il sera forcément négligent dans ses adorations. C'est pour cela qu'il faut que le musulman se rappelle toujours la mort, le briseur des plaisirs, l'événement qui divise les groupes et rend les enfants orphelins. Allah dit dans le Coran: toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Et il dit dans un autre verset: et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Et les versets sont très nombreux montrant que l'homme mourra obligatoirement. Allah dit dans le Coran: où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Abu Bakr ibn Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il avait de la fièvre, il disait: chaque homme se réveille auprès de sa famille alors que la mort est plus proche de lui que les lacets de ses chaussures. Donc celui qui oublie qu'il sera enterré sous la terre et qu'il sera recouvert de terre, qu'il sera dans son linceul et que sa famille pleurera pour lui et qu'il regrettera toutes les œuvres qu'il aura délaissées ou oubliées ou négligées, celui qui oublie tout cela, comment peut-il adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Wallah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleuriez beaucoup. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: je vous avais interdit de visiter les cimetières et il a été autorisé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de visiter la tombe de sa mère, donc visitez les tombes car cela vous rappelle l'au-delà. Donc le fait de se rappeler la mort est un remède pour se repentir et pour accomplir les adorations de la meilleure des manières, sans paresse et sans négligence. Sallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أزن الفتن من بلدان المسلمين، اللهم أزن الفتن ما ظهر منها وما بطن ببلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا رب العالمين. كما تعلمون إن القوات الأجنبية دخلت سوريا، دخلت ليبيا، وينبغي للمسلم أن لا يكون ساذجا وينخدع بالإعلام. الآن قالوا أنهم يدخلون ليبيا لحماية المدنيين، لا، ينبغي للمسلم أن لا يكون يعني مخدوع وأن يقبل كل ما يسمع في شاشة التلفاز. ما دخلوا ليبيا لأسباب اقتصادية، إلا لأسباب اقتصادية، فأسأل الله تعالى أن كل من أراد بالمسلمين سوءا، اللهم فأجله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد سوءا بالمسلمين اللهم دمره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.